se drogue pas. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 35e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes quatre autour de la table. Il y a moi-même, François, Reynold, Dominique et Laurent. Et comme d'habitude, plein de news du web insolite. Au sommaire de l'émission, il y aura du jeu vidéo avec un jeu dont on n'a jamais parlé jusqu'à présent. Hearthstone, une exclusivité sur la Another Podcast. Je ne sais même plus quand on a parlé la dernière fois. Et si on parlait de Robocraft? Quelques news insolites qui concernent notamment Stephen Hawking ou d'autres news insolites du web, un album découverte et le quiz musical. Je vous laisserai la surprise. Ah, même pas le thème. Et non. Pour commencer l'émission, hein, comme d'habitude, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'ai déjà fait le choix. Je vous laisse faire le vôtre. Apparemment, il n'y aura plus aucun film qui sera fait sur l'univers de Tolkien. Ah, je pensais que tu aurais parlé de Star Wars. Donc, c'est fini, le rendez-vous dans les terres du milieu. Il y a plusieurs films qui ont été faits, hein, donc Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. La licence de ces livres avait été vendue par Tolkien dans les années 60. Maintenant, c'est feu Tolkien, hein, oui. Donc c'est son fils qui a repris un peu la fondation. Lui a été très déçu par les films qui ont été faits sur l'univers. Il n'est pas le seul. C'est étonnant. Alors, je cite Christopher. Christopher Tolkien. Apparemment, il dit qu'ils n'ont pas été de main morte sur le travail du père Jackson. À savoir, donc, je cite, ils ont éviscéré le livre en faisant un film d'action pour les 15-25 ans. Et il paraît que le Hobbit sera du même acabit. Donc ça, il a dit ça à l'époque et malheureusement... Il a plus que raison. C'était une belle prémonition. Tolkien en 15-25 ans, je vois même 12-15 ans. Tolkien est devenu un monstre dévoré par sa popularité et absorbé par l'absurdité de l'époque. Le fossé qui s'est creusé entre la beauté, le sérieux de l'œuvre et ce qu'elle est devenue, tout cela me dépasse. Lisez des livres, les gens. Lisez des livres. Et pas seulement avec des images, avec du texte. Donc lui, voilà, préfère ne pas regarder les films et les ignorer. Alors, sachant que c'est lui qui devrait vendre la suite des licences, c'est mal barré. À moins qu'ils décident d'être sur le projet. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire encore? Puisqu'ils ont fait Le Seigneur des Anneaux, ils ont fait Le Hobbit. Bon, adapter le film Marie Lyon, peut-être pas. Ça serait un petit peu suicidaire. Un peu, ouais. Alors, c'est facile pour lui de dire ça, mais il faut savoir que depuis les sorties du film, les ventes de livres ont augmenté de 1000%. 1000, c'est pas mal. Donc, lui, s'est quand même mis un sacré paquet d'argent dans la poche. Alors, la question, c'est bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Ah, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, Peter Jackson ne fera plus de films à base de tout court, je pourrais même dire. Après, pas de films sur Tolkien. Bon, c'est un univers que je trouve sympa quand même. Mmh. Ouais, après, moi, j'ai adoré dans les DVD, ce que j'adorais, c'est tous les making-of. Mmh. Il y en a plus que de films, ça tombait. Mais les films eux-mêmes, non, je me suis. On a bien rigolé au cinéma, on a bien rigolé. Qu'est-ce qu'on a comme film qui tourne autour de cet univers-là? Des elfes, des nains, tout ça. Enfin, Donjons et Dragons. Tu sors. Non, mais c'est un bon film. Tu sors. Si on veut comparer tous les films de cet univers-là, c'est ceux de Tolkien, c'est les adaptations de Tolkien qui sont quand même les mieux réussies, quoi. C'est triste. Il a un peu tué le marché de l'heroic fantasy. C'est clair qu'à côté, tous les autres font un peu pâle figure, mais bon, il a peut-être un peu aussi tué le cinéma et la créativité d'un coup. En même temps, ils attendent, je ne vais pas dire une qualité, mais une quantitative de. Ouais, mais je ne vais pas au cinéma pour voir des jeux vidéo. Bah ouais, mais t'y vas justement pour voir un jeu vidéo. Je vais pas au cinéma pour voir du lancer de nain. Ou un elfe qui fait du snowboard sur son bouclier à l'escalier. Mais ou un elfe, un nain qui se tienne la main. Ah non, ça c'était Donjon Dragon. Ouais, aussi. Ouais, mais tu l'as aussi. Hein. Allez, vu qu'on parle d'univers fantastique, on va parler de jeux vidéo. Et il y a la sortie de l'extension de Hearthstone qui sort demain. Demain ? Demain, ah, oui, c'est vrai, demain le 9 déjà. Décembre, oh là là. C'est demain. Et elle s'appelle Goblins and Gnomes. Alors, cette extension fait beaucoup de bruit, en tout cas pour les joueurs qui sont passionnés. Dire. Alors, tout simplement parce que les cartes qui vont être ajoutées vont rajouter une nouvelle race qui s'appelle les Mechas. Mm-hmm. Donc, on avait déjà la race des pirates, la race des... Les Murlocs. Les Murlocs. Les Murlocs. Là, on en aura une en plus, donc les Mechas. Une petite imitation de Murloc, Ronald. Pourquoi moi, quoi. Je sais pas, vu que tu sais, on sait qu'on tu vas faire Stephen Hawking, un vrai. Ouais, je vous hais, de toute façon. Et très bien, les Murlocs dans Hearthstone. Reynald en concert dans votre ville prochainement. Imitation de Murloc. Via des nombreux. et d'autres cartes qui seront ajoutées et qui auront un effet très aléatoire. C'est ça. Les termes qu'on retourne, c'est aléatoire et chaotique. Bon, ça va pas être facile de forcément de faire des nouveaux decks, mais ça va être amusant. Donc voilà, si vous allez sur le site de Hearthstone, vous pourrez voir bien sûr la liste des premières cartes qui ont été diffusées. C'est diffusé déjà depuis un petit bout de temps. Oui, on voit plein d'exemples. Apparemment, contrairement à la précédente extension, il n'y aura pas de nouveaux donjons, etc. Donc il faudra acheter les cartes. On pourra gagner les cartes simplement, aléatoirement dans les packs. Et il y aura peut-être des packs spéciaux, donc on n'a pas encore beaucoup de détails pour l'instant sur la façon dont il faudra acquérir ces nouvelles cartes. Au niveau de l'IPRO, on avait les joueurs commençaient un peu à tourner en rond avec le même type de cartes. Eux sont contents que justement qu'il y a cette extension qui arrive, qui va vraiment développer encore plus les possibilités. Et ce qu'on attend également à propos de Hearthstone, qui aurait dû sortir un peu plus tôt, c'est aussi la sortie sur Android. On attend encore. Et la possibilité aussi plus tard de jouer à 2 contre 2, par exemple, de jouer en équipe. Quoi. Là aussi, ça va renouveler un peu le côté e-sport. Comment ça, jouer 2 contre 2? Eh oui, pourquoi pas en équipe. Eh oui, ce qu'on appelait à Magic le troll à deux têtes, par exemple. Voilà. Alors, je vais peut-être me faire insulter, mais les dernières parties, j'ai commencé à essayer vraiment de pousser un peu plus le jeu. J'ai regardé des pros qui, justement, jouaient, expliquaient leur stratégie. Et ça m'a rappelé un peu certains points liés au Go. Donc, ce jeu vraiment de stratégie. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une profondeur qui commençait à se construire au niveau du jeu. Qui devenait intéressante. Quand tu commences à jouer de façon un peu sérieuse, à te dire je vais peut-être avancer un peu dans le niveau et au lieu de mettre n'importe quelle créature dans mon deck aléatoirement réfléchir un peu, tu peux te briser un peu la tête sur le... Bon, le hasard joue pour beaucoup, c'est clair, mais tu peux te briser la tête. C'est un tirage de cartes, donc forcément t'as du hasard. Forcément. Mais après, dès que tu fais un deck building, que ce soit Hearthstone, Magic ou autre, tu vois les strats de ton deck en fonction de si je pioche ça, qu'est-ce qui m'arrive et surtout contre quel deck je vais jouer. Exactement. Et donc tu commences à imaginer tes différentes strates de fonctionnement de ton deck et forcément tu vas te péter les neurones à dire bah dans ces cas-là je retire cette carte. Tu vas passer 2 jours à faire un super deck bien peaufiné, tu vas tomber contre un joueur aléatoire qui va te massacrer, oui effectivement et tu vas tout refaire. Ça fait partie du plaisir du jeu. Parce que la RNG sera contre toi ce jour-là. J'avoue qu'on a joué à Magic et Magic, je me suis aperçu que je passais plus de temps et je m'amusais plus à concevoir des decks qu'à jouer vraiment. De toute façon, t'auras toujours un deck. Enfin, si le jeu est équilibré, t'auras toujours un deck qui sera plus fort que toi, quoi qu'il arrive. T'as des points faibles pour certains. Et d'ailleurs, quand je vois certains montrent leur deck, ils te mettent un pourcentage de victoire par rapport aux classes qu'ils ont en face. Donc, t'auras 30% de gagné contre une classe et 70% contre une autre. Ou 100% contre une classe. C'est bien inquiétant, mais. Pour revenir à ce que je disais, je dis pas que c'est aussi profond, mais on y retrouve certains concepts de stratégie et de réflexion. Il faut réfléchir. Tu peux t'amuser en mettant des cartes aléatoirement. Bon. Alors, vu qu'on parle d'Hearthstone, il y a un mail qui a été envoyé dernièrement chez Blizzard. Ah, le mail. Et ça a fait donc sourire plusieurs joueurs à tel point que eux-mêmes l'ont diffusé sur le net. À savoir que apparemment beaucoup trop de gens qui travaillent à Blizzard passent du temps à regarder des parties d'Hearthstone ou à y jouer. C'est le défaut. Dustin Browder, qui est le designer en chef au niveau de StarCraft, et il a envoyé un mail disant. Voilà, je viens de me rendre compte que Hearthstone est joué sur 4 postes dans mon service et il y a 4 personnes autour d'un poste pour regarder jouer. Ça fait beaucoup de productivité en moins, c'est sûr. Ils sont où ceux qui travaillent? Je vais devoir cadrer le temps de jeu durant les heures de travail. Mais si je dis pas de bêtises, en plus Hearthstone à la base était un petit projet interne qui permettait aux gens de jouer. Enfin, c'était même pas destiné à la base à sortir en tant que vrai jeu, quoi. Et donc c'est vrai qu'il a dû être responsable, ils se sont excusés non officiellement des baisses de productivité dans les entreprises, etc. Mais bon, on sait jamais si c'est sérieux ou si c'est un procédé de communication. Même cette affaire de soi-disant employés de Blizzard qui seraient en train de jouer avec chacun derrière leur poste, des gens qui les regarderaient jouer, on se demande si c'est pas un petit peu du fait qu'il y a de la communication pour faire du buzz. Allez, je vous propose d'enchaîner sur une autre news et celle-ci m'a trompé lorsque j'ai lu le titre. C'était Bloodsport, un jeu vraiment sanglant. Ouais, Bloodsport. Donc je me suis dit cool. Un bon film de Van Damme. Déjà moi qui avais bien aimé Blood Bowl par exemple. Non. Et enfin, pas du tout. C'est un projet qui permet aux gens de donner leur sang tout en jouant aux jeux vidéo. C'est complètement taré comme truc. Alors, le but est simple. On vous donne une manette, on vous donne un jeu et en même temps on vous met la seringue. Et plus vous prenez des dégâts pendant le jeu, une perfusion, ça fait peur. Sinon ça porte à confusion. Ouais. On parle pas d'hypro là. Non. Et plus vous perdez de sang donc dans le jeu, plus vous allez en donner. C'est magnifique. Donc voilà, t'as une relation entre ce que tu donnes et comment tu joues. Il était nul le jeu. La fameuse phrase, t'as qu'à pas mourir. Donc c'est un projet sur Kickstarter, hein, le financement participatif, oui. Ils voudraient donc atteindre les 250 000 dollars. Moi, ça me fait un peu peur quand même. Après, il faut voir à quel jeu tu joues. C'est bizarre, oui. Hearthstone. Mmh. Tu perds 30 litres de sang par 30 points de dégâts. Oui, mais j'en ai que 8, les mecs. Après, si tu joues une genre de Quake et que t'arrêtes pas de respawn, ah, c'est là, ça doit. Oula! C'est j'ai Blood 0. Voilà, c'est le principe. Oui, en fait, jeux. On va venir chercher tes enfants pour dire vous devez encore 8 litres de sang. Parce... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est complètement con comme truc. Enfin, je sais pas. Tu vois la vidéo, le mec, il est pas bien à la fin. Non, mais enfin, faut arrêter. Je veux bien faire pour des bonnes causes, mais là, il pousse trop loin la réflexion, tu vois. À la rigueur, tu joues à un jeu vidéo. Enfin, ils te permettent de faire un jeu vidéo le temps que tu donnes ton sang, je suis d'accord. Mais après, super, j'ai perdu 1% de ma vie, je donne 1 litre. Wouhou! Un litre, c'est beaucoup. Non, je dirais 1 litre par 1%, mais. Ouais, puis ça permet de faire de la publicité pour le don du sang. C'est surtout ça, c'est le principal. Donnez votre sang, surtout le vôtre. Non, mais au niveau caritatif et jeux vidéo, c'est lié parce qu'il y a des opérations chaque année. Des gens se filment en train de jouer ou font des marathons de jeux vidéo et chaque minute passée sur le jeu, c'est 1 euro ou 1 dollar qui va à une œuvre, etc. Tu peux choisir. Donc il y a beaucoup d'œuvres comme ça, que c'est lié au sport. Hein. Peux voir sur les chaînes Twitch les speedruns, justement, les conventions, que si le mec passe son speedrun en dessous d'un certain seuil de temps pour finir le jeu. Il y a telle entreprise qui donne autant pour une association caritative quelconque. Quoi. Et je vous propose de faire entrer les comédiens, enfin qui nous divertissent un peu, et on se retrouve juste après. C'est plus intermittent. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte dans l'Another Podcast. Je vous propose de passer à une autre petite news, et cette fois-ci, si je vous dis Valve, Steam, et oui, effectivement, Half-Life. Et ils ont décidé de s'attaquer au Steam Broadcasting. Donc apparemment, le concept va être très simple. Il vous suffit de cliquer sur Watch Game pour voir directement la partie d'un de vos amis. C'est pas mal, ça, pour des trucs de stratégie. On va voir ce qu'il fait. Tout. Mais en même temps, est-ce que toi, tu enregistres ta partie? Enfin, tu fais quoi? Tu quand peux enregistrer tu joues ta partie, j'imagine, bien sûr. Bon, à mon avis, tu actives le truc, je permets aux autres de me regarder. De me regarder, tu peux commenter, j'imagine, en direct, etc. Enfin, façon Twitch, quoi. Bah après, ça peut être une atteinte à la vie privée à certains moments, s'il n'y a pas ce petit bouton. Tu autorises, tu peux bloquer ou pas, t'es parti en visionnage, t'inquiète. Ça, c'est Valve, on ne sait pas. C'est Valve, c'est mystérieux, c'est pas trucs, clarifié ça. Faudrait que je vérifie si j'ai bien décoché l'option partager mes vidéos sur Steam. Surtout les parties de Robocraft avec Reynald. Donc voilà, est-ce que ça va vraiment faire de la concurrence à Twitch? Ça dépend, c'est payant de faire un streaming sur Twitch, non? Je sais pas. Non, c'est l'inverse, ça rapporte. Ça rapporte. Ça rapporte, ouais. Twitch, normalement, c'est un flux vidéo gratuit, c'est tu crées une chaîne, quoi. Un peu comme YouTube, tes vidéos font beaucoup de vues, t'as les sous. Ce qui coûte, c'est l'investissement. Si l'accessibilité ou la qualité ou quoi va changer. Ça coûte cher parce qu'il faut quand même acheter un PC. Si ton PC est suffisant pour jouer au jeu, il faut peut-être l'acheter un PC un peu plus puissant pour jouer et diffuser en même temps. Et une meilleure connexion internet. Oui, c'est surtout quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui coûte cher. Bon, apparemment, il n'y aura même pas besoin de plugin. Juste une connexion internet te permettra d'utiliser ça. Oui, bien sûr, oui. Ça peut être sympathique. Le streaming est à la mode, puisque même pour ceux qui ont une carte vidéo Nvidia, dans les derniers modèles et les derniers pilotes, ils ont intégré leur propre logiciel de streaming, exactement, qui s'appelle Shadow ou Ghostplay, quelque chose comme ça, qui permet aussi de diffuser plus facilement. Pas forcément des jeux, hein, ça peut être autre chose que tu fais sur ton PC, quoi. Démonstration et compagnie. Donc le combat entre Valve, Twitch, Nvidia et d'autres. Après, je sais pas si c'est vraiment un combat, c'est plus un marché de diffuseurs publicitaires, quel qu'il soit, pour récupérer un peu d'argent à droite à gauche. Après, est-ce que ça te servira et te rentabilisera ton matériel informatique, faut voir. Mais c'est l'heure de la bonne découverte. Ouais. Alors ça, j'ai jamais si bien porté son nom. Oui. Je vous propose d'écouter un album qui a été fait par la fine équipe. Oh. Alors perso, je ne connais pas du tout. Hein. C'est de la découverte 100%. Parfait. Est-ce que quelqu'un a déjà écouté un album de la fine équipe? Non. J'ai même pas envie, en fait. Ah ouais. Tu m'étonnes. Et si je te dis que l'album s'appelle Boulangerie 3? Ça donne faim. Il y a qui tâté? Je sais pas, c'est... Déjà, on n'aurait pas eu les deux premiers albums, Boulanger 1, 2. Mais... Boulanger 1, 2, c'est quoi, c'était déjà pris, peut-être? Ouais, peut-être. Ah bah oui, ça commence forcément au bistrot. Voilà. Ouais. Oh, le beau gâteau! Le beau gâteau. C'est japonais? C'est un très bon pâtissier. Ouais. Je suis pas en train de jouer avec le son, hein, je vous rassure. Amis de la gerbe, bonjour. Aujourd'hui... C'est dégueulasse. Ça, je ne touche pas le fond là, au niveau découverte. C'est fait par qui ? Oui, c'est fait par des Français, la fine équipe et leurs amis. C'est la French Touch de la musique. Ça sonne un peu électro quand même. Voilà. Ah, ça s'améliore. Il faut passer le cap. Il faut que je dise que ça sonne électro pour que ça change quoi. Ils étaient en train de régler leurs instruments. Voilà. M'en plus du slam par-dessus. Aujourd'hui, je me lève des WC. Je cherche le rapport avec la boulangerie. Alors c'est peut-être parce que c'est côté French touch, boulangerie et petit pain, c'est ça. Petit pain-né. Moi je te laisse t'enfoncer tout seul comme un grand en fait. Je cherche. C'est sorti depuis le 1er décembre. Et c'est sorti il y a pas longtemps hein. Vas-y. Alors apparemment ils font ça depuis plus de 10 ans. Dans toutes les boulangeries pâtisseries de est-ce France. Qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens connus dans cette fine équipe? Alors il y a Blanca Ogu. Wow, Monsieur a... Gibb, bah oui, connu Monsieur Gibb. Chomsky. Il y a Petit Pain, il y a Croissant. Voilà, donc on les appelle les pâtissiers du beat français. Du beat. Ouais, c'est non, mais regarde beat. Pas en disant ça. Du rhum des femmes, des... C'était quoi la chanson du rhum des femmes de et de la bière nom de Dieu. Et c'est Soldat Louis, je crois, qui chantait ça. Ouais. Oh là là, les références culturelles. Ouais, et là, je te retrouve le titre, mais de le quiz, je chauffe plus rien. Quoi. Et oui, c'est ça qui est magique avec le quiz. Ouais. Celle-là s'appelle Donut. Donut. Donut. C'est la même. Mais ouais, j'ai l'impression que t'as, en fait, t'as même, juste coupé le son et t'as remis le son, tu vois. J'avoue. Ils sont pas fait chier, je crois. En fait, t'as en même temps, une piste de 75 minutes. Non, mais dans les boulangeries, c'est tout le temps la même musique, faut dire. Ouais. Ouais. Ça serait pas le premier album où c'est la même musique qu'on entend. Ou alors, l'album d'avant, c'était Ascenseur 2. Tu sais, c'est toujours les trucs voilà. Où c'est tout le temps la même musique. Il y a un petit peu plus de basse. Et le titre est différent. Donut, donut. Bon voilà, faut aimer le genre, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça plaira peut-être au président de la radio Belafonte, hein, qui sait. Et je vous propose de passer une news qui concerne Stephen Hawking. Allez, vas-y, Rénal, je sais que t'en meurs en vie. J'attendrai. Faut entendre le vrai d'abord. Voilà, le vrai, ouais. Plusieurs news à son sujet, notamment ce qu'il a déclaré dernièrement, quand même, ce qu'il a déclaré. Surpris plusieurs personnes. Ouais. Stephen Hawking est inquiet. Il a même un peu peur. Tu peux nous faire Stephen Hawking. Pourtant, il en faut beaucoup pour faire peur à Stephen Hawking. Oh, j'ai le cours, j'ai peur. Merci d'être avec nous, Stéphane. De rien. En direct sur Steve, sur Skype. Oh mon Dieu, on va se faire bannir un jour. Tu veux pas l'appeler sur Skype? J'ai plus de roues pour mon fauteuil, j'ai peur. Il a peur parce qu'il pense que l'intelligence artificielle va devenir un danger pour l'homme. Il a trop regardé Terminator. Ou 2001, l'Odyssée de l'espace aussi, c'est un peu le même genre. Oui, il faut qu'il arrête la cocaïne, faut voir. Alors, selon ses déclarations, donc ce fameux professeur de... Il est professeur de quoi d'ailleurs ? Physique, astrophysique, je sais plus trop quoi. Astrophysique, un truc comme ça, ouais. Alors il a déclaré « Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. » Ça va, il n'y va pas de main morte. Hein. Non. Il y a quelques émissions, on avait parlé du fameux logiciel qu'on retrouve sur les iPhones. Là. Le logiciel Siri qui avait permis d'aider un enfant autiste à communiquer. Non mais j'adhère à la connerie de Laurent, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, si l'intelligence artificielle est très factuelle et dit « mais la race humaine est une connerie sans nom », ce qui n'est pas faux, c'est normal, il a raison. Bah, lui, il dit ça dans le sens où l'intelligence artificielle s'améliore de plus en plus vite et que la race humaine, l'intelligence... ne progresse plus. Bah, va plus lentement parce que bah, y a une évolution biologique. et qu'elle ne pourrait pas réaliser et... Rivaliser, oui. Ouais, ne pourrait pas rivaliser, ce sont... Ouais. J'ai du mal, hein. On a un bel exemple. Ceci dit, ceci dit. Exactement. Nous avons un exemple en direct. L'humain a ses limites. Mais c'est vrai que plus on se fait assister par des outils technologiques mobiles et compagnie, ou moteurs de recherche, moins notre cerveau va utiliser ses vraies capacités. C'est vrai. Voilà, moi, plutôt que de noter quand j'ai besoin d'une information, je tape sur un moteur de recherche quelconque, au hasard, Google. Mais bientôt, je ne vais pas noter l'information ou la retenir. Je sais que la prochaine fois que j'aurai besoin de cette information, je pourrai la rechercher à nouveau. Donc, j'utilise moins mon cerveau ou ma mémoire, etc. Et je suis peut-être de plus en plus dépendant de tous ces artifices. Bah, pareil, tu veux faire un calcul, tu sors la calculette de ton mobile. Ouais. Tu écris un mail, tu sors l'autocorrection. Moi, il y a des mots, je suis sûr, je ne sais même plus orthographier, mais je sais qu'en l'orthographiant de cette façon, le Word va le reconnaître. Ah, enfin, voilà. C'est triste, j'avoue. Alors, ceci dit, Stephen Hawking n'est pas contre la technologie, au contraire. Il n'a même pas le choix, en fait. Ouais, c'est vrai que lui, s'il est un peu contre la technologie, il va avoir du mal à vivre. Alors, vu que tu parles de ça, Reynald... Oh, bah mince alors. Stephen Hawking a décidé de mettre son système de communication en open source. Et c'est pour ça qu'on l'a avec nous ce soir. On va pouvoir le diriger. Avance, tortue, droite. On peut pas mettre Stephen Hawking sur Twitch ou sur un nouveau truc de Steam. Chacun pourrait mettre avance 10 mètres de face. Tu sais, avec les trucs des poissons qu'on a déjà passés. Voilà, ouais. Rigolez pas, je suis sûr qu'il me bat Street Fighter. Il a toujours été suivi et beaucoup de gens ont travaillé pour lui afin qu'il puisse communiquer de plus en plus facilement. Et c'est vrai que le fait de mettre ce logiciel en open source, voilà, ça va aider beaucoup de gens. Au début, quand il communiquait, puisqu'il ne peut pas parler, il peut simplement activer. Il est très limité dans ses mouvements, donc il utilisait un logiciel pour, avec des simples mouvements, pouvoir faire défiler les lettres, écrire des mots, mais ça lui prenait un temps fou. Et au fur et à mesure des années et des décennies, ses outils ergonomiques se sont améliorés. Et maintenant, on n'est pas pratiquement à ce que le logiciel lise ses pensées pour écrire, mais bon, pourquoi pas, quoi. C'est ce que j'attends, moi, du moins. Pratiquement. Le logiciel anticipe et arrive à prévoir un petit peu comme le système de prévision de, voilà, qu'on écrit un SMS, etc. À force de reconnaître les mots qu'on utilise couramment, le logiciel commence à écrire pratiquement la phrase complète avant qu'on l'ait fini. Donc, il a permis de développer. C'est vrai qu'à ce niveau-là, l'intelligence artificielle a énormément développé. C'est vrai que beaucoup de. Au début, c'était des logiciels très terre à terre, mais par exemple, ceux qui sont vraiment handicapés physiques, mais très lourds, où le logiciel reconnaît au battement de cils la lettre à mettre et qui puis permet de communiquer comme ça. Donc, ça permet justement à développer une. Convivialité, on va dire, avec des personnes qui seraient vraiment autistes alors qu'ils ne le sont pas. Donc apparemment, Intel a développé pendant plus de 3 ans la nouvelle interface qui lui permet de parler plus rapidement en tapant seulement 20% des phrases, donc avec une sorte d'auto complète. Non, on approche du 0% tout doucement, on ne l'attendra pas, mais... Non, mais c'est vrai qu'à terme, une interface neuronale branchée directement, il pourra transmettre directement ses pensées qui seront traduites. Ça peut... Enfin, 20%, ça fait peu, quoi. Ouais. Il gagne un temps fou. Est-ce que tu peux me donner un verre, coucher avec moi ? Non, j'ai pas dit ça. Tu vois, ça peut... c'est le problème de ne pas pouvoir gérer ce que ton cerveau pense et ce que tu dois dire à ce moment-là. Attends, t'imagines, tu dis ce que tu penses, et merde. Alors, il ne s'est pas arrêté là avec Intel. Hein. Apparemment, ils ont même développé un fauteuil roulant connecté. Donc voilà, donc il y a vraiment une prise en charge. Et rien que le logiciel de voix pourrait toucher plus de 3 millions de personnes. C'est comme dans Wall-E où les humains sont réduits à l'épave, à l'état obèse. De Stephen Hawking, mais obèse. Allez, je vous propose de faire une petite pause. Encore quelques news du web, un album découverte de Boulanger qu'on réécoutera également, et le quiz musical. Attention, ce soir, c'est du très, très, très, très lourd. Très lent. C'est toujours ça. Donc, il nous a fait un quiz obèse. On se retrouve juste après. Carlos Barry White. Vous êtes toujours sur la radio Bellafontaine dans l'Another Podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre Facebook ou même d'aller voir les podcasts sur le site de la radio Bellafontaine. Et on va parler d'une petite news qui concerne un jeune Britannique. qui a eu une fameuse surprise sur le pas de sa porte. Bah, là, dans les dernières émissions, on parlait du système de livraison d'Amazon. Ouais, il a eu un drone. Par drone et compagnie. Là. Un pigeon mort. Un pigeon mort. Oh, un drone. Allez, on doit deviner ce que c'est. Alors oui, bah, la liste est longue. Hein. Il a reçu 46 objets en livraison par Amazon. Un calendrier de l'Avent. Et pour une valeur de total de 4 500 €. Alors, qu'est-ce qui rend insolite cette news? C'est que Amazon lui a permis de tout garder. Oui, c'est, oui, en fait, il faut préciser qu'il n'avait rien commandé. Hein, attention, il a eu la surprise. Oh, hein. Tiens, ma commande est arrivée. Non, bah non, j'avais pas de commande. Pas de problème. Donc, il a contacté Amazon à plusieurs reprises en leur demandant « Est-ce que je peux garder ce que vous venez de m'envoyer par erreur ?»« Est-ce que je vais devoir payer ?» C'est surtout ça, quoi. En fait, c'était une erreur parce que tous ces colis étaient destinés au retour. En fait, c'était des retours de clients. Bon, apparemment, il y a eu un problème dans l'adresse et tout était arrivé chez cet étudiant. Bon, en même temps, il a que des objets qui sont pourris un peu à la base. Non, c'est pas forcément, non. C'est des objets parfaits, mais bon, sauf que les gens, c'est pas le bon modèle ou je ne sais quoi, ou il y avait une erreur voilà, donc c'est alors, c'est mon de adresse, retour. C'est le... Voilà. Il est déjà en train de remplir les papiers pour déménager, Rénal. Alors, le mec s'est senti un peu mal parce qu'il s'est dit, on commande un objet, l'ont payé, l'ont pas reçu, j'ai pas envie qu'ils perdent de l'argent. Amazon aurait pu venir avec une camionnette et récupérer tout le matériel pour aller l'emmener dans leur hangar, mais voilà. Ils ont envoyé des drones. Ou bien. Donc, il a droit de garder ça. Entre autres, dans les objets, il y a un immense téléviseur 3D de 55 pouces. C'est pas mal, hein. Mais bon, ça leur fait un petit peu de communication, parce que déjà, la dernière fois, on avait parlé d'eux, et là, on pourrait en dire du mal parce qu'ils se sont trompés, mais même pas, parce que ça finit bien, parce que, en général, c'est Amazon, plutôt qu'ils s'embêtaient, hop, ils ont remboursé, ils lui ont dit de garder tout. Mais il était sympa quand même, parce qu'il avait pas besoin de tout ça, donc il a donné une partie de tout ce matériel à des œuvres. Enfin oui, il avait pas besoin de tout ça, il a quand même reçu plusieurs tablettes. Voilà. Enfin, une tablette, c'est bien, moi, je pense que ça deux mains, alors. Chaque pièce. Quand t'as trois tablettes, avoir les mains, le nez et tout, mais à bout d'un moment, ça devient gênant, quoi. Et ce qui est magnifique dedans, c'est qu'il a quand même reçu un stylo. Ah. Oh. C'est pas assez bien noté dans la news. Un radiateur aussi. Un étudiant de maintenant, est-ce qu'il sait encore se servir d'un stylo? Je ne sais pas. Il a dû voir l'objet. C'est quoi? Un stylo. Tu montres un stylo à un enfant de maintenant, mais il ne sait pas ce que c'est. Je le mets dans le nez, mais arrête. Non. C'est marrant parce qu'il y a des vidéos qui sont faites de plus en plus. Ils mettent des enfants devant une Game Boy. Des objets technologiques un petit peu anciens. Un téléphone, un vrai téléphone. Comment on l'allume? Et tu vois les gamins qui sont toujours perdus dessus, ils savent pas du tout ce que c'est. C'est la découverte totale. La cassette marche pas, faut souffler dessus. Mais pourquoi faire? Allez, je vous propose de faire un. Alors c'est pas un petit jeu, mais c'est quand même une séquence assez marrante. C'est le classement de Yahoo, les recherches les plus faites qui commencent par pourquoi. Déjà, Yahoo, le moteur de Yahoo existe toujours. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui cherche. Pourquoi Yahoo existe toujours? Pourquoi le moteur de recherche de Yahoo existe toujours? On l'avait vu la dernière fois que Firefox allait le remettre par défaut comme moteur de recherche. Effectivement. Donc... Ouais, on y croit. Mais bon. Alors, ce qui serait marrant, c'est d'ici l'année prochaine, puisque ce classement sort tous les ans, c'est de taper le plus possible pourquoi Yahoo existe encore. Exactement. Jusqu'à temps à ce qu'on arrive dans le classement. Bon courage. Et est-ce qu'ils vont le mettre? C'est la grande question. Alors, dans le top des questions posées sur Yahoo, alors attention, c'est du lourd, hein. C'est des questions qu'on se pose effectivement tous les jours. Absolument. Pourquoi adhérer au PS? Quand même. Ah, c'est le moteur Yahoo France, quoi, alors. J'imagine qu'on parle bien du Yahoo France. Oui, voilà. C'est la première, ça? Alors, c'est pas le Yahoo France, c'est toutes les recherches faites par les Français. C'est pas comment adhérer au PS, c'est pourquoi adhérer au PS. Oh. C'est vrai, personne n'a la réponse. Même pas alors, le PS. Est-ce que ça serait pas des questions sans réponse? Plutôt que des questions que tout le monde se pose. Voilà, ouais, prochaine. Si on tape la question beaucoup de fois, c'est que forcément il n'y a pas de réponse. Alors pourquoi Benzema ne chante pas la Marseillaise? C'est vrai. Ça arrive dans le top 10 quand même. Pourquoi Ribéry chante la Marseillaise? Je crois qu'il est dans le prochain. Pourquoi il arrive à la chanter avec les vrais mots surtout? C'est qu'il faut se poser comme question. C'est du phonétique. Ouais. Pourquoi Kanye West aime Kim Kardashian? Ça fait beaucoup de lettres. Attends, c'est récent. Quand je vois le public visé par Kanye West et Kim Kardashian, je me dis que tout ça fait beaucoup de lettres, beaucoup de syllabes pour ces gens-là. Mm-hmm. Surtout qu'il faut les écrire en anglais, ça ne doit pas être facile. Alors ça, c'est la question qui doit être la plus demandée par les Miss France, je pense. Pourquoi tant de mal sur la tête? C'est pour préparer le concours, ça. Exactement, c'est bientôt. Là. C'est déjà passé, au moment où passe l'émission, le concours, on sait qui est la nouvelle Miss France. Rénal, je sais aussi ce que tu tapes, hein, puisque... Je vois que tu l'as tapé, celle-là. Pourquoi Rihanna aime tant le sexe? Moi, je le sais. J'ai pas tapé la question, je le sais, point barre. Parce qu'elle me connaît. Voilà. Pourquoi les hommes sont lâches? Ça, je le sais aussi. Pardon, mais non. Ah, celle-là, elle est bien. Pourquoi les bus londoniens sont rouges ? Eh oui, mais c'est la grande question, je voudrais vraiment savoir. Bah parce qu'ils avaient un prix gros sur la couleur, déjà, con. Hein. Voilà. Absolument. Avec l'accent belge, ça rend moins. Parce que les rouges, ça parce va plus vite. Parce que le rouge va plus vite. Ouais. Bien, ouais. Et il n'y a pas le pourquoi les taxis new-yorkais sont jaunes. C'est dommage. Pourquoi le muguet fleurit le 1er mai ? Il fleurit avant. Ouais, elle est pas mal, celle-là, ouais. Ouais, cette année, il a fleuri avant. Hein. Pourquoi ma femme ne fait jamais ce que je veux ? Ne fessez jamais ce que je veux. La Ribéry, réponse... tu l'as tapé 30 fois. La réponse est dans la question. Pourquoi un homme veut-il toujours savoir si j'ai un copain ? Ouh, c'est je te répondrai ça. Bien, mais... Ouais. C'est mystérieux. T'es qui a prête. Posé cette question ? T'es pas prête pour ça. Une femme, un homme ? Bah, des bizarre. Femmes. De préférence. À quoi que si c'est un homme qui oui, pose la question ? Oulala ! Oh mais non, c'était pas prévu. Allez, on enchaîne sur une autre petite news. Et on va parler de Gangnam Style. Vous vous souvenez de la fameuse chanson qui n'a pas regardé. Il y a encore quelques personnes sur la Terre qui n'ont pas vu la vidéo. Et ils ont réussi à faire bugger le compteur de vues de YouTube. Il faut devenir sérieux et scientifique. J'ai besoin d'un peu d'aide pour me dire le chiffre parce qu'à chaque fois, c'est compliqué. J'ai un peu du mal. Il faut savoir que effectivement, sur YouTube, il y a un compteur qui est attaché à chaque vidéo. Et ce compteur, c'est un nombre entier. Pour ceux qui ont fait un peu informatique, les nombres, les numéros sont stockés sur un nombre d'emplacements limité. Quoi, donc sur un bit, comme on appelle. Voilà. Et le compteur de YouTube s'arrête à 32 bits. Ce qui fait qu'on a fait un petit peu d'informatique et de... Multiplié par 8. Quand tu multiplies 2 par 2 par 2 par 2 par 2 32 fois, tu arrives à 2 147 483 648. Si, c'est des milliards. Normalement, une vidéo YouTube ne devrait pas pouvoir dépasser les 2 148 483 648 vues. Le problème, c'est que la vidéo de Psy, il est déjà passé, là. Donc, ça veut dire que la YouTube a dit, hop, stop, là, on arrête, on fait une pause, et on va modifier tous nos ordinateurs pour qu'au lieu de compter sur 32 bits, on va devoir compter sur, alors, je sais pas combien ils sont montés, peut-être 64, je ne sais pas. Alors, sauf qu'ils l'ont pas vu avant. Mais oui, ils l'ont vu pas prévu. Le compteur de vues s'est retrouvé au négatif. C'est ça qui est amusant. C'est que quand il est arrivé au maximum, bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, YouTube, il n'est pas très malin. Comme tous les ordinateurs, il a fait un tour, il est revenu à zéro quand il a de la chance. Donc, ils ont dû modifier tout le système en passant les données de compteur de vue à 64 bits cette fois-ci. C'est génial parce qu'il n'avait pas prévu à l'avance qu'une vidéo pourrait être vue plus de 2 milliards de fois. C'est génial. Alors, s'il veut faire bugger le compteur à nouveau, ça va être dur, là. Il devra dépasser les 9 milliards de vues. Non, plus. Ah, 9 milliards, ils ont été gentils, ils sont pas montés très haut. Alors, la firme de YouTube s'est un peu amusée avec ça. Du coup, maintenant, si vous passez votre curseur sur le nombre de vues, apparemment, ça devrait déconner un peu, justement, pour faire référence à ces choses. Je crois que nos auditeurs vont être très occupés. Entre taper des conneries sur moteur de Yahoo et regarder la vidéo de Psy pour la faire déconner, ils vont être très occupés en écoutant le podcast. C'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'il y a un jeu qui est de taper le début des mots sur Google et d'attendre la suite. Et généralement, les phrases sont terribles. Il y a vraiment des trucs affreux. Oui. Et je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs dans un podcast. Allez, un autre extrait musical. Il y a moins d'engouement pour cet album, bizarrement. Mais on découvre, c'est ça, on découvre. On découvre peut-être trop. On a trop découvert, là. Peut-être qu'il est... On a peut-être une trop bonne surprise. On aperçoit que c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on attendait et par rapport à ce qu'on a pu passer. C'est pas mal, mais les morceaux se ressemblent quand même. On a passé deux fois le même. J'ai pas remarqué. T'es vrai que c'est deux fois le même. Alors, Remet Raffles par les Jukebox Champions. Rien que dire le titre, c'est sympa. Du Moog. Il y a du Moog. Un album où il y a du Moog, ça peut pas être mauvais. Ah, ça, je vais mettre de côté. Ugly McBeer, Mr. Modo pour Milkshake. Ah, c'est quand ça déconne. Et voilà. J'ai l'impression que c'est la même que celle d'avant, mais en plus lent. Tu l'accélères, je suis sûr que ça donne la... C'est français. C'est intéressant. Il s'en sort bien comparé aux autres albums découvertes habituels. Est-ce qu'on commencerait pas à mettre des albums découvertes sympas ? Ça va pas, là. Non. Si on met de la qualité, ça va plus, là. On s'est pas encore fâché avec quelqu'un, c'est pas normal. J'ai l'album d'Aznavour, si on veut redescendre le niveau, hein. Non, de toute façon, les fans d'Aznavour sont tous morts, on peut plus se fâcher avec eux. Alors, j'ai entendu qu'Aznavour avait retardé son prochain album. Il a peur de faire concurrence. DC, mais non. Ah oui, il va peut-être monter sur scène avec pour faire des très vieilles canailles. Parce que là, on a les vieilles canailles en ce moment. Avec ils ont quoi? Ils ont 250 ans à E3, c'est pas beaucoup. Tandis que si on met Aznavour, Lynn Renault et je sais pas qui on peut ressortir des armoires, on peut dépasser les 300 ans sur la scène, je pense. C'est pas donc bête. On aura les très vieilles canailles. Avec des duos en hologramme avec des gens qui sont morts. Ouais. Ah, un concert comme ça. Les feux canailles. Feux les canailles. Oui. Ah, mais j'en avais sélectionné une autre là, allez. Je vois toujours pas le rapport avec la boulangerie. C'est français. Parce que ce sont les pâtissiers de la chanson. C'est pas un album découvert, c'est un album mystérieux. C'est délicieux, délicieux. Ah, voilà. Mange, mon fils. C'est délicieux, mange. Tu vois ? C'est un mélange de styles. Là, on arrive dans le moderne. Moderne des années 70. Ouais, des années 70. Il y a même des références au grand détournement si on s'y revient. Ah oui. Ouais. J'ai pas envie de chercher. C'est pas sympa. Bande de merde. Les perles, les perles de la tapioca. Non. C'est moi, il dit. Baby Bell. Ah bah je l'ai trouvé en fait, elle était facile. Cacher. Il n'y avait pas besoin de chercher beaucoup. C'est la Wish Lorraine. Ah voilà. Donc la Wish Lorraine est faite par Crystal. Il y a du reggae. Je vois que t'aimes bien Laurent. Smooth criminal. Laurent il veut réécouter du Odino. Ah ouais, il vient de le lire. On dirait que ça déconne quoi. La French Touch expérimentale. J'attends ma référence grand détournement avant de faire mes soirs arrêtés, non, c'est rien. Ils ont détourné plein de morceaux. Ils ont fait un grand détournement même, mais sonore. Ah, voilà. Tellement bien détourné que. Oh shit, mais ils disent pas au Chine dans le grand détournement. Monde de merde. Oh oui, je suis des chips, il a dit. Patron. Les toilettes sont fichées. On va manger. Oh shit. On va manger. Je voulais les conseils là. C'est tout ce que ça te fait quand je dis qu'on va manger. Oh shit. Je veux des conseils là, monsieur chocolat du patron. Ouais, il y avait tellement de références. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, dernière petite news avant d'enchaîner le quiz musical. Et il y a deux étudiants qui sont amusés donc à recenser les hackathons les plus débiles. On remarque que les étudiants font vraiment, à part recevoir des colis d'Amazon, et... pas grand-chose. Ah. Les quoi ? Ils ont décidé donc d'organiser les hackathons les plus débiles au monde. Alors, les hackathons, hack du mot hacker et hackathon du marathon. Donc en gros, ils réunissent des gens dans une salle, ils les enferment. En leur disant, voilà, vous avez genre 24 heures ou 48 heures pour développer un programme, une appli mobile, un jeu vidéo, n'importe quoi. Alors, on fait ça aussi dans les boîtes. Dans la mienne, c'est ce qu'ils font actuellement. Donc, ils te disent, voilà, vendredi, vous travaillez pas, vous nous faites un projet. Voilà. Qui soit plus ou moins lié avec le boulot. Et l'équipe qui fait le meilleur projet, le plus intéressant, voilà, gagnera un truc. Eux ont pris le concept et l'ont un peu retourné. Ce genre de festival de fin de tournoi, etc., de concours existe régulièrement. Puis des fois, ils en sortent des très bonnes idées, quoi. Les gens s'enferment. Donc, forcément, leur créativité explose et ça donne des applications mobiles, des sites internet, des petites start-up qui marchent, qui débouchent sur de bonnes idées. Alors, eux ont recensé, par exemple, un casque de réalité virtuelle, tel que l'Oculus Rift. Wow. Mais celui-là n'a qu'un seul but, c'est de vous donner la nausée. C'est magnifique. C'est génial, c'est parfait. Il y a juste à enlever le pointeur pour les FPS, c'est bon, t'as la nausée quoi. Exactement. Ça, c'est l'objet que Reynald a déjà, un vélo sextoy. En location. appareil... Ça existe déjà, hein, plus je pédale, plus j'ai mal au cul. Bon, c'est bizarre. Oui, tu prends un vélo, t'enlèves la selle et c'est bon quoi. Pour ceux qui passent leur vie sur Twitter, cette application est pour vous, elle envoie un tweet à chaque fois que vous prenez une bouchée de nourriture. Mais c'est passionnant. C'est-à-dire que si tu es ce genre de personne, la première bouchée de mon burger était pas mal. Ah, j'ai attaqué la tomate. C'est terrible. Oh mince, la salade est tombée. Pour l'instant, au niveau des applications inutiles, on est pas mal. Ouais, et il y a inutile et il y a un peu humour noir aussi. Il y a le sablier numérique qui décompte le nombre d'ovules restants jusqu'à la ménopause. Ouais, ouais, là, j'ai une belle-mère qui m'intéresse. Vas-y, ouais, donne le. C'est pas mal. Fallait y penser. Ouais, ouais. C'est pas mal, pas c'est mal. C'est pour bientôt. Puis, j'ai une secrétaire au boulot que j'aimerais bien emmerder. Vas-y, donne. Et je pense que le top du top sera pour celui qui a inventé l'iPad humain. En d'autres termes, bah, c'est un iPad. Un mec qui se fait tripoter, quoi. Non. C'est quelqu'un qui a un iPad sur la tête. Sur le visage. Et avec un visage qui est mis sur l'iPad. C'est magnifique. Voilà. Et je m'attendais à un truc. Ah, mais. Je sais pas, j'étais prêt là. J'étais prêt pour la shit. C'est le seul blanc que je vais pas couper dans le podcast. Voilà. Si tu veux, pour t'aider, on peut même reparler d'Hearthstone. Je veux bien, mais là. Ah, oh, je suis déçu. Voilà, des super projets. L'iPad humain, on s'attendait, on lui appuie sur le nez, on a une application qui se lance ou un truc comme ça, mais là, non. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais je pense que la connerie naturelle est toujours bien présente. Hein. Pour ça, on est bon. Alors, vous pouvez retrouver ces divers hackathons sur www.stupidhackathon.com. Porte bien son nom. Ouais. Allez, on fait rentrer les intermittents du spectacle. Pour nous faire un peu de pub. On fait sortir et on attaque le quiz musical. À tout à l'heure. Vous êtes toujours sur Radio Bière à fond. On va passer donc au quiz musical préparé par François, donc moi-même. C'est bien, il se présente tout seul. Lors de la dernière émission, on a plus ou moins mis un défi. Tiens donc. Eh oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc... Je vais tout simplement passer la première chanson et puis vous devrez deviner le thème, hein, comme d'habitude. Or, j'ai mis que les clips, hein, donc quelquefois on aura... Ah bah okay. Oui, welcome. Chut. Je veux le dire. Des flingues. Ouais. Bien vu, Dom. Eh ouais. C'est un quiz spécial armes. Oh, bien joué. Aïe. Je sens qu'il va y avoir des grosses conneries. Ouais. Ouais, quelqu'un dit le titre Histoire 2. Ouais. Welcome to the jungle. Voilà. Armée rose. Allez, la vraie première. Ça, c'est. C'est parti. TNT. Voilà. Non, pas TNT. Pas TNT. Non, ah, non, ce n'est pas TNT. Oh putain. Magnum. Non. Je veux le titre. Non, je veux pas le titre, je veux le groupe. Bah, c'est ACDC. C'est ACDC, ouais. Effectivement. En fait, le plus dur, c'est de trouver le nom du morceau que le groupe, en fait. Tu te demanderais que tous leurs morceaux te ressemblent. Bah oui, c'est comme ça. Le morceau de Boulangerie & Co, là. Boulangerie & Co. C'est Big Gun. Oh, pas mal. TNT, ça aurait pu être une bonne réponse. C'est une arme. Ouais. Mais je veux vraiment, vraiment les groupes, hein, en principal. C'est récent, ça. C'est une arme ? Un marteau ? Un marteau, c'est une arme. C'est une arme. Mais qui chante ? Claude François. Si c'est l'original, perdu. Si c'est l'original, c'est pas Claude François. Donc ce n'est pas l'original, non. Ce sont les François Claude. Hein? François Claude. Non. Perdu. Ce sont les Français. Ce sont les. C'est les. C'est des filles. C'est les quelque chose. Non, il y a deux garçons, deux filles. Effectivement. Ah bah. Originaire des villes, comme on dit dans certains milieux. La Compagnie Créole. Ce sont les ancêtres de la Compagnie Créole. Les Pauvres. Les Pauvres Créoles. Je connais leur nom, mais j'en trouve pas. Alors. Ça commence par un S d'homme. Un S d'homme. Est-ce que c'est au pluriel ou tu mets un I à la fin? C'est sympa. C'est les surfs. Oh, les surfs. Oh. Voilà, bravo. Ah, je le savais. Le suivant n'est pas facile. Bon, quand on pense au marteau, je sais pas ce qui peut arriver. Une guitare, c'est une arme ou pas? Dans certains jeux, oui. Je mets même pas les 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Yeah, it's the national underground. Thunderbounce and I stop the ground. Vous pouvez trouver. Alors, 50 Cent, Beastie Boys. Non. Non. C'est un rappeur américain. Ouais, et je pense même que c'est un groupe. Hein. C'est le l'arme dans le nom. Mais c'est. C'est André 3000. Non. C'est Optique 2000. Il n'y a pas André 3000 dedans. Comment il s'appelle? C'est pas. Oh, comment il s'appelle ce groupe? Le chanteur, c'est André 3000. Ça commence par un O. Obispo ? Non. Outcast ? Outcast. Outcast, effectivement, bien vu. C'est André 3000. Joué, ouais. Ah bah oui, pardon. C'est quoi le lien avec l'arme ? Le titre ? Le titre, c'est Bombs Over Baghdad. Ah oui, donc avec bombe, tu peux trouver un certain groupe. Ouais. J'ai de la chance de connaître qu'un groupe avec O quand même. La suivante. YouTube, ah, c'est magnifique ça. Et j'aurais dû mettre les 5 secondes. Ouais. Ouais. Ouais, désolé, mais bah, comment que cela est possible? Bah, t'as entendu un morceau de YouTube, t'es tous entendu. Hein. Alors le morceau, non, qui bah, te toi aussi, t'as eu un truc sur ton iTunes. Ça. Pour la peine, je vais le couper vite. C'est la récompense. C'est le titre, c'était. Le titre, c'était Bullet the Blue Sky. Oh, jamais entendu. Enfin, jamais entendu. Vu que t'as entendu un morceau de YouTube, t'es tous entendu. Hein. J'ai entendu toute la discographie de YouTube. Oh, ah oui. Et là, la mémoire. Et voilà. Là, je l'ai deux. Bon, allez, qu'un. Déjà, je vois la tête. Ah ouais. Oh, c'est terrible. C'est. Ils sont connus, hein. Hyper écoutés en plus. Y'a pas de problème, hein. J'ai le nom, j'ai tout. Mais ça vient plus. Alors, le titre, c'est Bullet with Butterfly Wings. Ça peut y être la chanson de fin. Ok. Je sais pas comment il s'appelle. C'est terrible, Steve. Ça revient plus, hein. C'est incroyable. J'ai l'impression que François écoute que ça. Oui, c'est ça. Il écoute que ça. Ah oui, oui. Mais on va faire c'est pas les Foo Fighters. Ah merde, non, c'est pas ça. C'est les Smashing Pumpkins. Oh là là, là. Enfin, ils ont la même voix quand même. Ouais, ouais. Ça, c'est pour Dom. Déjà, les faire, c'était bien. Oh. Le son est magnifique. Le son est très bien. Ça ne sature pas du tout. On a trop l'air. 3 heures d'intro. Ouais. Tu peux arrêter de jouer avec tes trucs. Hein. Ouais, excellent. Alors, qui trouvera le titre? Voilà, enfin, le groupe. Voilà. Ça va revenir, dans 3 heures, j'aurai retrouvé. Ça aussi. Vous connaissez que ça? Absolument, ah, on connaît que ça. Hyper mais... écouté. Et... J'aurais pas trouvé le titre, perso. Le groupe, perso. Ça donne une chance à ceux qui sont sur le chat. Ça commence par un B. BR. BR. BR. Non, c'est pas Virafonte. C'est les Breeders. Oh là là. J'avais complètement oublié. Je cherche à autre chose. Mais, ouais. Mais oui, effectivement. Et le bon. Titre? Le titre, c'est Cannonball. Ah oui, Cannonball. Oh là là. Ah bah. Okay. J'ai trouvé un autre groupe, tu vas passer peut-être. Allez, cadeau pour ceux qui trouvent. Cadeau. Oui. Alors, le jeu, rapport avec les armes. Il y a un piège. Déjà la mer à la maison. Oh, c'est une reprise, je m'en doute. Le titre original, c'est Yves Montand et la bicyclette. Je l'avais passé dans le quiz bicyclette. Alors là, tous les copains, les c'est connu. Enfin, le chanteur, c'est un duo, mais celui qui chante est quand même connu. Oh là là, c'est la mitraillette vieux ou pas? Oui, c'est vieux. C'était celle d'un très vieux cousin qui avait rougi du stalinien. C'est un mec qui a fait des films. En Espagne, en fait. C'est pas Léo Ferré, non. C'est pas facile. C'est des humoristes, non? C'est Jacques Marché et Vanessa Ashbrook. Ouais, bien sûr. C'est pas un cadeau pour rien. Hein. J'avais déjà entendu il y a très longtemps ce mot. Tu nous fais des noms, les noms des, les noms, les noms des deux, impossible. Petite chanson. On reste dans le même style. Tu passais des chansons antimilitaristes dans un quiz sur les armes, c'est pas mal. Je déconne, c'est pas le même style. J'avais entendu. Tu n'as pas besoin d'avoir entendu la chanson pour trouver le groupe. Aïe. Eric Clapton ? Non. Bon. Rénal, tu n'as pas d'excuses là. Écoutez bien la voix. Ouais, effectivement, ça me dit énormément. Mais... C'est pas Cream. Ce n'est pas Cream. Ah putain. Est-ce que c'est dans leur style habituel ? Oui. Ça fait un peu country alors. C'est un groupe américain ? Oui. Je dis pas My Bullet. Bon, le riff de guitare sort un peu de l'habituel, mais... Ils ont fait une chanson qui s'appelle Free Bird. Pas de mémoire. C'est Lynyrd Skynyrd. Oh là là, oui. Bah maintenant que tu le dis, oui. Mon Dieu. Moi je connais Kriber. Mais hein. C'est bizarre parce que le son était tellement bien. J'ai l'impression que c'était un groupe de maintenant, tu vois, avec un son super. Ouais ouais, moi aussi. Super digital et tout, mais ah oui, mais non. Ouais, ça fait bizarre. C'est Give Me Back My Bullets. My Bullets. Ah bah oui oui. Maintenant oui, la voix et tout, c'est incroyable. Mais le son était trop bon. J'ai pas du tout reconnu. Moi. T'aurais dû rajouter un peu de crachotis dessus ou je sais pas quoi. J'espère que tu as trouvé Laurent parce que. Y a que moi. Ah ouais. Attention. Justin Bieber. J'allais non. Le dire. Ah non. J'allais le dire. Je ne sais pas. Il parle pas d'armes, il n'a pas le droit. Ah, il n'a pas le droit, il est trop jeune. C'est une arme à lui tout seul. Ouh, c'est un petit groupe de. Je sais pas pourquoi je connaîtrais ça. Comment il s'appelle ? Mais voilà, je sais plus. Les machins là. Le groupe à la mode en ce moment chez les jeunes filles. Les. Ouais, lui c'est un mec tout seul. Ah, il est un mec tout seul tout à l'heure. C'est pas un truc. Maraz ou un truc comme ça ? Non. Jason Braz. C'est pas Jason Braz, hein, c'est comme ça. Fini par Mars. Bruno Mars. Bruno Mars, oh ouais. Effectivement. Le Michael Jackson des années 2010. Ah oui, t'en dis beaucoup là. Non, mais tu t'avances un peu quand même. Hein. Il a commencé tout petit comme Jackson, genre 4-5 ans à chanter sur ça. Tu te rattrapes pas bien. Très très bon, enfin bon. Une chanson sur deux est bonne. Ah oui, effectivement. C'est pas celui qui a un nez bizarre ? Je sais pas, je vois même pas quoi il ressemble ce gars, mais c'est vrai qu'effectivement au niveau vocal, il est, enfin, musical, il est pas trop mauvais. Suivante. Amadou et Mariam. Merde, j'ai parlé trop vite. Ah, c'est pas Amadou et Mariam ? Non. Il y a cru. J'ai trouvé une super hache du Randil. Oh bah non, c'est Nolbuck, n'importe quoi là. Comment il s'appelle ? C'est Nolbuck ? Oui, c'est Pen of Chaos. C'est la Nolband. La Nolband, voilà. C'était moins cher et ça, c'est bien. Évidemment. Donc, t'as osé mettre ça, donc je. Pas de problème. J'ai pensé à un truc sur flingue. Et si tu l'as pas mis, c'est la honte. Et l'heure s'en va couler tout rouge. Ouais. L'âge de geste est vachement bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Du Randil. Il fait tous les voiles du monde. L'âge de geste qui était pas cher. Mais oui, comme dans l'émission d'ailleurs, on ne sait pas, mais il n'y a qu'une seule personne qui fait le podcast et qui fait toutes les voix. Vous n'avez pas d'excuse si vous ne trouvez pas le suivant. Donc 5 secondes. She's not a girl who misses much. Même pas une petite excuse. Oh yeah. Non. She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. Je vois plein de dents qui défilent, mais ça colle pas à la voix. Ah! Non, c'est quoi cet enregistrement bizarre? Même là, j'étais pas né, ça marche pas? En fait, on parlait de Bruno Mars tout à l'heure, c'était Grenade le titre. Ok, Grenade. Ce titre s'appelle Happiness with a Warm Gun. On sent bien le Happiness. C'est l'un des groupes de rock les plus célèbres au monde. Bah, Beatles. J'ai cru reconnaître la voix de Paul McCartney, mais c'est incroyable, le son est bizarre. Bien vu. Encore un son nouveau, tu vas me dire. Ouais, c'est trop. Voilà, le son est trop bon. Le son est trop parfait. Ouais. Essaye pas de gâcher ma première victoire du quiz et ma seule victoire du quiz, s'il te plaît. Hein. On entendait. J'ai tout de suite pensé à Paul McCartney. Mais non, c'est bizarre comme voix. C'est pas sa voix habituelle. Écoute, ça c'est John qui chante. Allez, dans le même registre. C'est incroyable. Ok, c'est du punk, on reste en Angleterre. Alors. Ouais, il chante trop bien pour que ça soit du punk. C'est vrai qu'on est dans le même style. C'est un monsieur tout seul. Hein. Springsteen. Bruce Springsteen, bien vu, Dom. Ouais. Je suis en train de compter les gens que je connais. Là, il avait mangé un pot de miel avant parce qu'il a la voix douce. Renat, je sens que t'es un peu d'aigle. Hein. C'est incroyable comme ouais, quoi. Non, quand mais tu bien trouvé par Dom. Ouais. Un même morceau avec un son différent, tu ne reconnais pas du tout. C'est clair. Que, d'ailleurs, quand on écoute le podcast, on ne se reconnaît pas. Ah bon, c'est cool. Non, pas du tout. Je laisse 5 secondes, mais uniquement pour Renald. Oh putain, ah ouais, non, mais non. Ah là, c'est inadmissible. Ah, c'est inadmissible. Motorhead. La chanson. Quel enfant. Voilà, mange. Ah ouais. La chanson de tout à l'heure, c'était Help Up With a Gun. Elle est le titre. J'en ai mis tellement sur la playlist au début que. Non. Man of Sword, un truc comme ça. I Am a Sword. I Am a Sword, exact. De Motorhead, exact. Ouais. Laurent, je te sens un peu dépité là. Je suis en train de compter les musiques que je connais, je suis à 2 là. Pas mal. Tu m'as dépassé. Entre connaître et reconnaître, déjà, il y a autre chose. Il y a un niveau. Allez, j'offre un deuxième cadeau ou un moitié de cadeau. Ce sera des flyers pour celui-là. Typique. Un demi-flyer. Ah oui. Oui, oui. Exact. Non, c'est pas lui. Oh, j'ai un doute maintenant. No more. Alors, ça part pas comme je pensais. De vous, c'est pas les vous. Non, non, non, non. Il est tout seul. I'm gonna get me a gun. Ah, oh, j'ai plus, voilà, j'ai son nom qui. Il aurait pu rentrer dans le cuisse des animaux. Bon, alors, super. Je précise que je suis toujours à deux. Oh voilà, j'avais un nom et je l'ai perdu. C'est incroyable. Il aurait pu rentrer dans le quiz des animaux, lui. Eh oui. Beer ? Non. Slap Dog Millionaire. Ah, oh, c'est incroyable. Snoop Dogg ? Snoop Dogg, ouais. Connais... Ça y ressemblait, arrêtez. Je hein. connais, je connais. Quick Rabbit ? Non, non, non. Megan Fox ? C'est Cat Stevens. Ah merde, j'ai failli bien. Là, on fait tout sauf le show, quoi. Ouais, voilà. Putain, on est con. Oui, il m'a l'air un peu dur ce quiz quand même, non ? Oh, je la connaissais pas celle-là de Cat Stevens et j'en ai écouté en boucle pourtant. J'en mettrai dans la playlist. Suivante. Ah, Boulangerie 3. C'est mystérieux. C'était un trop, je crois. Ça ressemble à Phil Collins, mais c'est pas ça. Quand ils vont chanter, ça va être. C'est bien, c'est une longue intro. Faudrait la date à chaque fois parce que là, j'en ai plus. C'est sympa. Je donne pas le titre tout de suite. Ça fait années 70 et tout, mais. On dirait du Pink Floyd des années, non ? Non, bah non, pas du tout. Jimmy Gallagher. Oui, c'est. Steve Tyler, le chanteur. Et le groupe ? Le gars avec la grande bouche là ! Hey, il a une grande bouche. Les Rolling Stones ? Non ! plus grande bouche que Rolling Stones. Farmer ? Non. Lara Fabian ? Oh, c'est incroyable. T'as un demi-point d'homme. Bah ouais. J'aime pas en plus. Oui, le pire c'est que je vois que tu vois qui tu parles et le pareil. Le chanteur c'est Steve Tyler. Ouais, ouais. Et il y a eu un guitar héros sur eux. Au moins. Eh oui. Oui, c'est ça le pire. Ils ont fait un morceau avec le groupe de rap là. Aerosmith. Aerosmith. Voilà, voilà. C'est fou hein. Le pire c'est que je me souviens qu'il y a un guitar héros qui fait sur eux, voilà. Mais je ne connais pas le groupe quoi. Bon, je connais, moi j'aime pas. Mais... Ah, ouais. Je connais. C'est trop mieux. Tu connais le groupe Laurent au moins d'Aerosmith. Non, non, je suis à deux là. Je te parle pas des chansons, je te parle des groupes que tu connais. Bon, ça c'est pour toi Laurent. Justin Bieber. Justin Bieber. Il arrive à vous faire foutre. J'ai entendu ça quelque part. Dans un ascenseur. Oh non. Non, un enterrement, j'ai entendu ça. La chanson avant... s'appelle Knives Out. You Too, c'est déjà été dit. Oh non. Non, non. Il n'y a qu'un chanteur qui... Il n'y a qu'un groupe aussi déprimant que ça. Courage. Noir Désir. Non. Non, on peut faire un quiz. Il y en a deux, alors. On pourra faire un quiz déprime un jour. Mais c'est beau. C'est un truc anglais à la machin... À Blur, Oasis, un truc pourri comme ça, Muse. Non. Non, c'est... mais on est du même niveau. Non, alors attends, attends. Si... Si François aurait mis du Muse là, je l'aurais traité de tous les noms. Mais il a pas mis enfin. Mais il y a du placebo après. c'est un ce niveau là quoi. C'est Radiohead. Oh bah voilà, ah, je connais pareil. Franchement, tu les mélanges, je fais pas la différence. Mm-hmm. Deux. Oh là. Bon allez, suivant, vous avez vos chances. Oui. Oh putain. Tout de suite, on change d'ambiance. Ferme la pêche. Voilà. Un petit coup de professeur sur le ralenti, et voilà, c'est bon, on est recalqué. Formidable. Formidable. Je veux les deux, là. Oh là, le titre. Vous connaissez que cette chanson en plus. Un truc à la fois. Je sens que vous allez vous faire bouffer sur le chat. Pas grave. Seulement sur le chat. Quelle déception. Je vais entendre le titre. Enfin. Ah oh, putain. Ils sont maquillés comme des pots de peinture. Kiss effectivement. Avec... avec Love Gun. Oui. Je suis pas fan des mecs qui sont perturbés la gueule. Ah, ils ont 2-3 bons morceaux, mais c'est quand même. C'est rigolo, mais. Voilà, tu les fais venir en tant que clown à l'anniversaire de ton enfant, mais c'est tout. Ouais, si tu veux traumatiser ton enfant, tu connaissais ça, Laurent. Il y a 2-3 bons morceaux chez Kiss, mais. Et non. Ça, tu connais ? Ah, mais oui. Allez, on te laisse. On a dit c'est Laurent qui joue tout seul. Allez, Laurent, c'est pour toi. Je suis de Bieber. Non, Laurent. Je connais pas le groupe. C'est pas un groupe. Cette voix, là. Je connais bien la chanson. C'est quoi cette voix ? C'est pas un truc genre Marc Lavoine. Bravo ! Ouh. Il sortira pas en déprimant, c'est bien. Et de 3. Alors le titre. Elle a les yeux pistolets. Oh, ah, pas loin. Ouais, mais ouais. Elle a les yeux magnum. Non, tu recommences. Elle a les yeux. J'avais pas pensé à celle-là. Ouais, elle est bien trouvée. Bon, suivante, vu votre piètre prestation. On trouvera pas. Bon, pour l'instant, Il n'y a qu'un groupe qui sonne comme ça. Ouais. Et j'aime pas. C'est Love Like a Bomb. Ça ne vous aidera pas du tout. C'est le pire, c'est que ça me dit quelque chose, quoi. Ah oh ouais, mais. J'aime juste le groupe. Quand t'as entendu un morceau, je l'ai déjà entendu. Mmh. Ouais. Allez, ça commence par un O. Podcast. Oasis. Oasis. Ouais. Non, pas fan. Ouais, pareil. En fait, j'en connais deux, tu vois. Mais ouais. Mais non, tu connais la chanson de Carlos. Je reste à 3 quand même, faut pas déconner. Oh, encore de la guitare, Jimmy. C'est Jimi Hendrix. Merci pour les 5 secondes. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec Dom. De toute façon, on était obligé de le connaître. Ouais, ouais. Ça peut être que lui. Bon, alors, je vais pas attendre le titre. Il y a Gun dedans. C'est pas Shot the Sheriff, donc non. Parce que si on attend les paroles, on est mal barré. Chewing Gun. Oh, le jeu de mots. Alors, mettre la playlist de Jimmy. Non, mais ta meilleure blague restera la main morte, hein, cherche pas. Jimmy Hendrix ou le morceau est une intro. t'attends le début. Ah bah non, c'est déjà fini. Eh ouais. C'est Machine Gun. C'est ce que j'ai dit, Machine Gun. Allez, la suivante, peut-être pour Dom, sûrement. Oh, les, la, la, la. Lynn Renault, 1920. Oh oui. Je vais même pas répondre, on va laisser passer le morceau. Et c'est le même titre que Jimi Hendrix. Machine Gun. Machine Gun. Ça fait un peu mou, hein. C'est énorme. C'est bien. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps en plus. Mais la mémoire. Si tu me dis que ça commence par O. Non. Plus de mémoire. Ils voulaient s'appeler les Amiga, mais ils ont pris autre chose. Ah, les Atari. Les Commodores. Oh, c'est les Commodores. Oh là là, ouais. C'est énorme. Alors, est-ce que je me trompe ou il y a Lionel Richie dans les Commodores? Avec la coupe, oh mon dieu, c'est magnifique. Combien de temps dure le morceau? 2 minutes 44. Seulement, ça va. C'est un petit Commodore. C'est juste la version disquette. Voilà, c'est la version disquette. La version 8 pouces 1 quart. C'est juste l'intro. On est loin de la fin là? Non, on n'est pas loin de la fin. Non, c'est bien. Demain, vous êtes encore là. Pas de problème, on est très bien là. Oula. Je suis pas sûr pour la prochaine. Et vous ne vinerez jamais le titre. Machine Gun. C'est Machine Gun. Ah, oh, tu peux faire un quiz Machine Gun. Peut-être faut me demander les titres, moi pas les mêmes. Bon, pour l'instant, c'est un peu répété. Renaissance, une c'est pas facile. Ça commence par un P. Un peu connu. Bon, le titre ressemble à un truc connu. Ouais. C'est du style. C'est une chanteuse là. Ou un chanteur, j'arrive à savoir. C'est une chanteuse. C'est le nom d'un groupe. Ah d'accord. Avec un P. Les Beatles. Non, c'est Portishead. Oh, Portishead. Ah, t'aurais pu trouver. J'ai pas entendu ça depuis. Oh là, très tellement longtemps. Tiens, voilà. Ouais. Ça fait trop longtemps que ça passait partout. Ouais. Et puis Portishead. Oh, non. Mais c'est bien une chanteuse. Pour la prochaine, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Je vais l'avancer un peu. Ça craint. Ah oui, forcément. Alors, pourquoi Hogan? Pourquoi un flingue? On va clarifier tout de suite. Gainsbourg, aux armes, citoyens. Ah bah oui, aux armes. Tout simplement. Ouais, ouais, tout simplement. Il s'est pratiquement ruiné pour acheter... aux armes? Non, le... La Marseillaise. La Marseillaise, ouais. Elle est pas dans le domaine public? À l'époque où il avait acheté, je pense pas. Oh, ça a fait scandale à l'époque. Dans les voilà. Laurent, enlève ton casque, ça sert à rien. Ça me fait chier de passer à 4 là-dessus. Oh, mystérieux ça. Mon cookbook. Un bon accent irlandais. C'est pas les Pogs. Non, non, non. Non. C'est un accent, cet accent. Oui, oui, c'est un bon accent petit à la. C'est un accent anglais des quais, des bas-fonds de New York, de Londres. C'est un accent à la Madness en plus, quoi. Ouais. C'est pas Madness, non, bah, oh, ça va être dur. Hein. C'est pas du punk. Nuclear device. Device. Alors attends. Oh, ils chantent trop bien, ça peut ça pas. Ça commence par un S. Les Smiths. Non. Non. Les Beatles. Non. Les Rolling Stones. Les Sassas and the Sassas. Non. Les Commodores, non. Les Commodores. Les Slaxabas. Non, je ne sais pas, c'est pas évident. Les Sons and Roses. Et si vous essayez de trouver des vrais titres. Ah bon? Je cherche. C'est... Smith. Non, c'est pas les Smith, j'ai dit deux fois. ST. Stooges. Non, bah non. Ouais. C'est les Stranglers. Oh mon dieu, on l'a pas fait. Dominique. Oh non. Dominique. Ouais, mais faut faire les Stranglers. Ah ouais, non, mais là c'est la honte sur Dominique. Non, pas du tout. Les Stranglers, par contre, c'est marrant, c'est l'inverse de YouTube. YouTube, t'as entendu un morceau, tu les as tous entendus. Les Stranglers et compagnie, là, t'as entendu un morceau, tu peux le réécouter. Après, tu le reconnais pas. Mm-hmm. C'est ça qui est bien. En général, je sais pas si c'est bon quand même. Oh là là. J'ai peu d'attente sur le prochain. Oh. Intéressant. Il démarre bien. Peut-être Rénal. Démarre lentement. Laurent. C'est récent alors. C'est bizarre. Oh, enfin non, c'est récent. Ça date quand même de 5-10 ans. J'ai déjà entendu ça. Ouais, pareil. Ah, c'est. Oui. C'est oui. Un groupe américain à la con. Eh oui. Ouais, oui. T'es sur la bonne piste. Du genre. Non, pas les biscuits, pas les CD. Ouais, je les vois. Des soi-disant ados rebelles. Le titre s'appelle OC Guns. Je vois le genre. Mais oui, oh, il y en a eu tellement de ces groupes-là. Ah, oui, oui. Non, tellement de ce genre-là. Attends, c'est O, je suis bon là. Il y a eu tellement de groupes de ces. Podcast. Attends, on reconnaît la voix en plus. C'est ça le pire. Il y a un chiffre dans le nom. Non. Non. Il y a un nom de saison dedans. Vous êtes toujours sur Radio Bellefontaine dans la Another Podcast et on continue ce quiz musical. Et d'ailleurs, juste après l'émission, il y aura une rediffusion de Au-delà du ballon. N'hésitez pas à rester au cas où. Et on continue donc le quiz. Pas au cas où l'instrument, hein, au cas où. Au cas où. Là aussi, j'ai peu d'espoir. Hein. Bon, on sait jamais. Bon. Il y a un bruit de mitraillette. C'est bon. T'as fait un jeu vidéo ? Oh. Genre ça se coupe, non, non. Votre poste radio n'est pas déréglé. Quatrième dimension. J'ai aussi entendu ça quelque part. C'est Killers. Ça commence par un I. Et le titre est Pistola. Pas facile. Oh, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent. Ça ressemble à tellement de choses. Un I ou un I? Un I. Un Y. Enfin, non, un I. C'est Incubus. Faut connaître. Pour les spécialistes. Alors je crois que les deux chansons, hein, dont celle-ci y compris, c'est un peu les What the Fuck. Ah, celle-là, on l'a déjà entendu. Ouais. Moi j'ai trouvé. C'est du Van Verman. Non hein? Dire du Van Verman. Pas mal. Non. Le titre c'est Shotgun. Une chanteuse country. Alors une chanteuse country, dire ça. On n'a pas beaucoup. Il y a que... Enfin même dans des noms tellement impossibles. Genre Lauren McCarthy ou des trucs comme ses ça. Ses initiales sont SC. Sophie. Non. Sarah Connor. Non non c'est à côté. Elle est connue quand même ou non? Ouais quand même. Oh. Sally. Non. Shaina. Saloperie. Shit. Suzy. Pas facile. C'est un SH. Ça commence par le même nom que la chanteuse qui fait Do you believe love after love. Sheryl Crow. Sheryl Crow, ouais, joli. Pas mal joué. C'est pas des mimes, c'est des ah ouais, c'est presque des charades. Le temps que toi t'es en train de te dire bon cher premier. Machin et Dom il attaque direct quoi. On va changer d'imitateur. Rénal. Non, tu y arriveras pas. Tu me dois 10 euros. Il y a les droits pour ça. C'est vrai qu'elle a chanté de la country. Allez, suivante. Pour moi, c'est facile. Après, pour vous. Non. Oui. Alors le titre, vous l'avez, hein, Spanish Bomb. C'est pour les Madness. Non. Pour moi, c'est facile. Il y a un son, même. Ça ressemble un peu à du style Clash ou autre. Ouais, ouais, c'est Clash. Ouais, voilà. Mais ils chantent trop bien, c'est pas le Clash. Non, si, c'est Clash. Non, non, c'est une reprise de Clash avec des gens qui chantent bien. Bah, pour une fois qu'il n'y a pas UK ou London dedans, c'est vrai que... Tout ça parce que j'ai trouvé Clash avant toi. C'est honteux. Oh, si, c'est vrai qu'il y a un ou deux morceaux, ils ont appris à chanter. Ou à jouer surtout. Laurent, il en reste plus que 4. Bah, c'est tant bien, c'est justement le nombre que je connais. J'ai peur du morceau de fin. C'est facile pour moi celle-là. Oh, c'est une intro, hein, c'est une intro. Megadeth. Oh là là, eh. Ah, je les connais par cœur. Magnifique. Alors tu vas me filer le titre pour ce prix-là? Non, ils ont fait des albums. Il y a toujours Gun, fin ou, du monde ou un truc comme ou ça. Ou ouais. Ouais. C'est Sweating Bullets. Elle est excellente en plus. Mais déjà, plus, ouais. Trouver Megadeth sur l'intro, pas mal. Ouais. Sans qu'ils chantent. Ma chanson préférée de Megadeth, c'est peut-être à tout le monde. Ouais. Ça me fait trop rire celle-là. Tu danses et après tu rigoles, et après tu danses et tu rigoles. C'est la seule chanson où tu les vois, enfin, tu l'entends parler français. Moi je sens que la prochaine est aussi pour toi, Reynald. Si c'est dans le nom du groupe, je dirais Black Bomb A. Non! C'est dans le titre qui s'appelle Sword of Damocles. Alors là, on est mal barré parce que. Ouais. Là, elle commence par un J. Il y en a de la soupe. Hein. Judas Priest. Jardy. Judas Priest. Judas ouais. Priest. Oh. Ouais, joli. Et pourtant, Judas Priest, normalement, ils sont plus rock des années 80. Et là, tu les vois plus posés. Un peu à la heavy metal, mais là. Un peu à la Iron Maiden. Ouais, ouais, Iron Maiden des années 2000, quoi. C'est l'avant-dernière, les enfants. Je mettrai du Judas Priest dans la playlist la prochaine fois. C'est pas facile, ça. Ok. Bon, je reconnais. Et pas facile, celle-là, hein. Oh mon dieu, je connais que ça. Enfin, c'est entendu il n'y a pas longtemps. Je suis désolé, je n'ai pas de mémoire. Si vous écoutez Classic 21, forcément vous incroyable. Les Doors? Non. Non, tu n'auras pas de Doors dans mes cuisines. Dieu, c'est Genesis. C'est Genesis, magnifique. Voilà. Période avec Peter Gabriel. Ouais. Non, je la connais pas celle-là. Elle s'appelle The Knife. Ouais, c'est Peter Gabriel. Je l'ai duré parce qu'après il n'y a plus rien. Bien qu'au le synthé de début, tu reconnais le Genesis. Bon, allez, pour la prochaine, respectez les 5 secondes. C'est pas facile à écouter. Ouais, on se quittera là-dessus. T'es obligé de mettre celle-là, ouais.